l'ancien monde, l'ensemble étrange et surprenant de faits sociaux, morts et pourris maintenant, d'où sortit ce navire aujourd'hui sous l'écume, l'ancien monde aussi, lui, plongé dans l'amertume, avait tous les fléaux pour vents et pour typhons. Construction d'airain aux étages profonds, sur qui le mal, Flauville, crachait sa bave infâme, plein de fumée, ému par une hydre de flamme, la haine. Il ressemblait à ce sombre vaisseau. Le mal l'avait marqué de son funèbre sceau. Ce monde, enveloppé d'une brume éternelle, était fatal. L'espoir avait plié son aile. Pas d'unité, divorce et joue, diversité de langue, de raison, de code, de cité. Nul lien, nul faisceau. Le progrès, solitaire, comme un serpent coupé, se tordait sur la terre, sans pouvoir réunir les tronçons de l'effort. L'esclavage, parquant les peuples pour la mort, les enfermait au fond d'un cirque de frontières où les gardaient la guerre et la nuit, bestiaires. La danse lave luttait contre l'Adam germain. Un genre humain en France, un autre genre humain en Amérique, un autre à Londres, un autre à Rome. L'homme, au-delà d'un pont, ne connaissait plus l'homme. Les vivants, d'ignorance et de vie se chargeaient, se traînaient. En travers de tout, les préjugés. Les superstitions étaient d'affreuses enceintes, terribles d'autant plus qu'elles étaient plus saintes.